بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 116 dans l'explication de Kitab al-Tawhid avec le sharh du Sheikh Abdurrahman ibn Hassan dans son sharh Qurrat Uyun al-Muwahidin avec les commentaires du Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre 12. Babun min ash-shirki al-isti'adatu bi ghayrillah. C'est-à-dire le fait de chercher refuge en autre que Allah fait partie du shirk. Et dans ce chapitre, on avait expliqué premièrement un verset, qui est le verset 6 dans Surat al-Jinn, et un hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Khawla, et c'est le hadith qui explique justement le doua à faire lorsqu'on s'installe quelque part ou lorsqu'on descend quelque part, et que yani on demande on dit a'udhu bi kalimatillahit tammat min sharri ma khalaq, c'est-à-dire je demande la protection en les paroles complètes d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Et on a commencé à expliquer déjà ce hadith-là. On était rendu maintenant à expliquer une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Je crois que c'est là qu'on est rendu. Il dit, « قال Cheikh al-Islam, le Cheikh Abdurrahman Ibn Hassan, il dit, « قال Cheikh al-Islam, رحمه الله وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله ليس بمخلوق قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. Donc on va commencer par cette citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah que le Cheikh Abdurrahman Ibn Hassan a cité ici, et il dit que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que les imams ont mentionné textuellement, comme l'imam Ahmad et d'autres également, qu'il n'est pas permis de chercher refuge ou protection en une créature. Et il dit, ça fait partie des choses sur lesquelles ils se sont basés, et les preuves, les hadiths sur lesquels ils se sont basés, sur le fait que la parole d'Allah n'est pas créée. C'est-à-dire que le hadith, je cherche refuge en les paroles complètes d'Allah contre le mal de ceux qu'il a créé. Hein, ça, c'est la preuve que le Coran lui-même fait partie, c'est la parole d'Allah, et que par conséquent, la parole d'Allah, elle n'est pas créée. Donc, le Coran n'est pas créé, puisque ça fait partie des attributs d'Allah. Hein, ça fait partie de sa parole. Et donc, ça fait partie des preuves. Ce hadith fait partie des preuves utilisées par les imams de Ahl-Sunnah, entre autres l'imam Ahmad, pour réfuter les Jahmiyyah et les Mu'tazila qui prétendaient que la parole d'Allah est créée. Et le fait qu'on puisse chercher refuge en Allah et en sa parole, eh bien ça prouve que la parole d'Allah n'est pas créée. Comme Allah n'est pas créé, sa parole n'est pas créée. Il dit ensuite, et ils ont dit, c'est-à-dire les imams, que il a été rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a lui-même cherché refuge en les paroles d'Allah et qu'il a ordonné cela. Hein? Donc ça, c'est la preuve donc que la parole d'Allah, elle n'est pas créée. Et il dit ensuite, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a cherché refuge en la parole d'Allah et il a ordonné aux autres de le faire aussi. Et c'est pour cette raison que les ulama ont interdit les protections ou les gris-gris ou les amulettes ou les talismans dont on ignore la signification. par crainte qu'il y ait du shirk dedans. Donc, par exemple, les gens qui portent des gris-gris ou des amulettes, hein, ou des... Il y a toutes sortes de d'instruments, ou de, pas des instruments, mais plutôt des objets porte-bonheur. Hein, dans les pays musulmans, parfois, il y a des gens qui vont porter sur eux des petites poches en cuir avec des, soi-disant, des protections à l'intérieur. Et ça, ça fait partie des exemples de choses qui peuvent rentrer dans le shirk, puisque souvent, comme Cheikh al-Islam, il le mentionne ici, on sait pas, parfois on ne sait pas qu'est-ce qui est écrit dans ces pochettes-là, et parfois c'est des choses qui sont, quand on les ouvre, on voit qu'à l'intérieur, il y a effectivement des choses qui ont été écrites qui ne sont pas dans une langue qu'on peut comprendre. Ce qui fait que c'est des choses qui peuvent être parfois différentes formes de shirk. Et c'est employé souvent par des charlatans et des sorciers. Hein? Donc c'est ça le danger dans ces choses-là. Et en arabe, on les appelle azaim ou bien ta'awidh. Hein? Et ta'awidh, dans ta'awidh, il y a le mot isti'adha ou bien al-awz dedans. Donc ça, c'est un exemple aussi de qu'est-ce qui est interdit si tu cherches refuge en un objet ou bien une chose autre que Allah ou autre que ses attributs. Donc ça rentre dans le shirk. Cheikh Al-Fawzan, il a fait quelques commentaires à ce sujet-là. Le premier commentaire sur ce point, il dit « لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَخْلُوقًا كَمَا تَقُولُهُ الْجَهْمِيَّةِ مَا جَزَتْ الْاِسْتِعَذَةُ بِهِ » Donc le Cheikh, il explique que le fait que les imams ont utilisé ce hadith comme preuve que le Coran n'est pas créé, c'est parce que si le Coran ou si la parole d'Allah était créée, eh bien on n'aurait pas eu le droit de chercher refuge ou protection en cette parole, hein, parce que on n'a pas le droit de demander ou d'implorer ou d'invoquer ou de demander à autre que à Allah. Parce que si on fait ça, c'est du shirk. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la protection en les paroles d'Allah, c'est la preuve que, hein, que yani, c'est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée. Contrairement à ce que disent les Jahmiyyah, hein, contrairement à ce que disent les égarés parmi les Jahmiyyah. L'autre point que le Cheikh a mentionné ici par rapport à ça, c'est au sujet des amulettes, hein, que, comme on a mentionné, il dit Nahal ulama an al huruz wal azaim allati tuktabu ala al awraq wa tu'allaq ala al awlad aw ala al marda wa nahwa anha khashyatan an yadkhulaha shay'un min al isti'adhati bighayrillah la siyama wa anna alladhina yaktubunaha إما أن يكونوا جهالا فلا يعرفون الجائز من غير الجائز وإما أن يكونوا كفرا زنادقة ويريدون إضلال الناس وترويج الشرك وإما أن يكونوا طامعين في المال ولا يهمهم العقيدة وهذا هو الغالب على هؤلاء الذين يتعاطون الرقية والغالب عليهم أنهم يطمعون في الأموال ولذلك يأتون بأمور عجائب في رقيتهم ويستعينون بالجن ويقولون هؤلاء إخواننا وأيضا يفعلون الأعاجيب يقرأ أحدهم على خزان على خزان الماء أو الويت أو الويت أو يقرأ بالهاتف على المصاب وهو عنه بمسافة أشهر أو يجمع الناس في صالة وينفخ عليهم جميعا أو يقرأ عليهم بالميكروفون هذه أعاجيب ويحمله على هذا الطمع في المال Na'am. Donc ici, le cheikh, il explique, il dit que les ulama, ils ont interdit donc les amulettes et les gris-gris que les gens portent. Hein? Ils écrivent, ils disent, ces charlatans qui écrivent sur des papiers ou qui accrochent, il y a des gens qui, parmi les gens qui accrochent ces amulettes-là sur eux-mêmes ou sur les malades ou sur les enfants, hein? Ou même sur le bétail ou même sur leur voiture parfois, hein? Donc les ulama ont interdit ça parce que yani ils ont dit on craint que les gens qui écrivent ces amulettes là ils cherchent refuge en autre que Allah dans leurs amulettes, en particulier ceux qui écrivent ces amulettes là et qui sont eux-mêmes ignorants de qu'est-ce qui est licite et illicite, de qu'est-ce qui est permis et interdit en islam, halal, haram, ils savent rien. Hein, c'est des ignorants souvent, qui n'ont pas étudié l'islam. Ou bien soit que ce sont des mécréants, des koufars ou des hérétiques, et ils veulent égarer les hommes, hein, et propager le shirk. Ou soit que ce sont des gens qui, ils convoitent l'argent, hein, ils convoitent l'argent, et donc la aqida n'a pas d'importance pour eux. Tout ce qui compte pour eux, c'est de faire de l'argent, de ramasser de l'argent. Et il dit, la plupart de ces gens-là, yani, quand ils font la ruqya, en général, ils ne font que souhaiter, hein, et convoiter l'argent des gens. Et c'est pour ça qu'ils font toutes sortes de choses étranges dans leurs incantations, dans leurs invocations, ou dans les choses qu'ils écrivent dans les amulettes. Ils cherchent refuge en les djinns, parfois ils disent ceux-là ce sont nos frères, hein? Ou bien ils font des choses étonnantes, par exemple certains d'entre eux, ils vont écrire sur des contenants d'eau, hein? Pas écrire mais plutôt ils vont lire, réciter le Coran sur des contenants d'eau, sur des bouteilles d'eau, ou bien ils vont réciter par téléphone sur la personne qui est malade, alors que la personne est à une longue distance, à une distance très éloignée de la personne, hein? Et ou bien ils vont réunir les gens dans une salle et la personne va réciter sur eux et souffler sur eux tous en même temps, ou bien ils leur récitent avec un micro, hein? Et des choses étonnantes comme ça. Et il dit la chose qui les pousse à agir de cette manière, c'est, hein, la convoitise de l'argent. Allah al-musta'an. Après le cheikh, il dit wa qala Ibn al-Qayyim rahimahullah man dhabaha lish-shaytan wa da'a wasta'adha bihi taqarraba ilayhi bima yuhibbu, hein, faqad 'abadahu wa taqarraba ilayhi bima yuhib faqad 'abadahu. عفواً وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداماً وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداماً وصدق رحمه الله هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه ولذلك يخدمه الشيطان ولكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل به. نعم. Donc le cheikh explique ensuite, il dit que l'imam Ibn al-Qayyim رحمه الله, il dit celui qui fait un sacrifice pour le shaitan, il égorge pour le shaitan, ou il l'invoque, il cherche refuge dans le shaitan, il se rapproche de lui, en faisant ce qu'il aime, eh bien ça implique que la personne qui fait ça, ça veut dire qu'elle a adoré le shaitan. Ça veut dire qu'elle a adoré le shaitan, même si elle refuse de l'appeler adoration. Même si elle refuse d'appeler ce qu'elle fait adoration. Ou même si elle l'appelle par un autre nom, comme par exemple emploi ou utilisation ou service, hein, des choses de ce genre, ça reste une forme d'adoration et donc c'est du shirk. Et donc il a dit vrai, hein, quand il dit ça, et c'est le fait de yani, que le shaitan va, hein, ou bien plutôt la personne va prendre le service du shaitan, et en cherchant l'aide du shaitan, eh bien, elle devient parmi les servants du shaitan et des adorateurs du shaitan en faisant ça. Et c'est pour ça que le shaitan va le servir à son tour par la suite. Mais le fait que le shaitan la serve, hein, ou vienne en service à cette personne, elle ne le fait pas par adoration pour cet être humain qui lui demande l'aide. Mais yani, elle le fait yani, en retour de l'adoration que l'être humain lui a fait. Donc le shaitan, lui, hein, il ne le fait pas par soumission à l'être humain ou par adoration à l'être humain, contrairement à l'être humain qui le fait en soumission et en adoration pour le shaitan. Et Cheikh Al-Fawzan, ici, il fait un commentaire, ou bien même deux ou trois commentaires. Il dit, premièrement, « Man taqarraba ila shaitan bima yuhibbuhu shaitan faqad abadah. » وإن لم يسمي ذلك عبادة بل سماه استعانة أو سماه ضرورة يقول هذا من باب الضرورة كل هذا باطل الله سبحانه وتعالى جعل الشفاء في العقيدة الصحيحة وفي كتابه الكريم والضرورة لا تبيح الشرك. Donc le cheikh il explique que yani, la personne qui se rapproche du shaitan ou qui cherche à se rapprocher du shaitan parce que le shaitan aime, hein, elle fait ce que le shaitan aime, alors elle a adoré le shaitan. Et même si la personne refuse d'appeler ce qu'elle fait adoration, hein, même si elle l'appelle par exemple aide ou service ou bien l'appelle nécessité, eh bien il dit, si la personne dit ça, ça fait partie de la nécessité, eh bien tout ça c'est faux. Bien entendu, ce n'est pas permis, parce que Allah Azza wa Jal, il a mis la guérison dans la bonne aqida, hein, et dans son noble livre, hein, le Coran, il y a la guérison aussi. Tandis que la nécessité, elle ne rend pas licite le shirk. Hein, elle ne rend pas licite le shirk. Le shaykh, il dit ensuite, استخداما للجن واستعانة بإخوانه واستعانة بإخوانه من الجن وهذا كلام باطل. Ils disent que ça c'est pour prendre service, ils cherchent les services du djinn ou l'aide du djinn, parce qu'ils disent ce sont nos frères parmi les djinns. Ils disent ça c'est une parole qui est fausse, hein? Allah al-musta'an. On n'a pas à entrer en contact avec les djinns ou à demander quoi que ce soit aux djinns. Et le dernier point que le cheikh il mentionne ici, il dit فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَخْضَعْ لَهُ وَلَا يَعْبُدْهُ كَمَا هُوَ يَفْعَلُ بِهِ. Cheikh Al-Fawzan il dit اِسْتِخْدَامُ الْإِنْسِ لِلْجِنِ هَذَا عِبَادَةً أَمَّا عَكْسُهُ وَهُوَ اسْتِخْدَامُ الْجِنِ لِلْإِنْسِ هَذَا لَيْسَ عِبَادَةً لِأَنَّ الْجِنَّ لَا يَعْبُدُونَ الْإِنْسَ ولكن الإنس هم الذين يعبدون الجن. Donc le cheikh explique que lorsque les êtres humains utilisent les djinns ou cherchent le service des djinns, ça c'est de l'adoration. Ils doivent faire une adoration en échange. Il dit, mais dans le cas contraire, lorsque les êtres humains sont utilisés, ou par exemple que les djinns utilisent les êtres humains, eh bien ils ne les utilisent pas en faisant de l'adoration pour les êtres humains. Hein? C'est seulement les êtres humains qui adorent les djinns et non pas les djinns qui adorent les êtres humains. Ce n'est pas dans les deux sens. Ensuite, il dit « وَقَوْلُهُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمْ مِنْ كُلِّ شَرٍ فِي أَيِّ مَخْلُوقٍ قَامَ بِهِ الشَّرْ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ إِنْسِيًّا أَوْ جِنِّيًّا أَوْ هَامَّةً أو دابة أو ريحا أو صاعقة أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة وما ها هنا موصولة وما ها هنا موصولة ليس إلا وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل المراد التقييد الوصفي والمعنى يعني من شر ما من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر والشر يقال على شيئين والشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه. Donc ici le cheikh il explique pour terminer ce chapitre, il cite l'explication de l'imam Ibn al-Qayyim de la parole d'Allah dans le verset dans surat يعني الفلق من شر ما خلق qui signifie يعني du mal de ce que Allah a créé. Donc ça veut dire que tu cherches refuge en Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Et l'imam Ibn al-Qayyim il fait le tafsir de ce verset là et il dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire tu cherches refuge en Allah contre tout mal de n'importe quelle créature il s'agit, dans laquelle il peut y avoir un mal, que ce soit un animal ou autre, un être humain ou un djinn ou une sorte d'oiseau ou un animal quelconque, un insecte, ou bien le vent, ou bien la foudre, ou n'importe quelle autre catégorie parmi les catégories de mal ou d'épreuves dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc ça, tout ça, ça rentre dans la qualification de ce qui est mal. Hein? Parce qu'il y a des kuffariani, ils disent, il n'y a pas de bien et de mal dans la nature, en voulant dire que la nature, ils disent, ça c'est neutre. Ils disent, si la foudre te frappe, ce n'est pas un bien, ce n'est pas un mal, c'est juste quelque chose qui est arrivé naturellement. Hein? Bien entendu, ça c'est les kuffars qui disent ça parce qu'ils ne croient pas que Allah Azza wa Jal c'est lui qui contrôle et qui contrôle tout dans l'univers. Mais en même temps aussi, si tu regardes sur le point, si on veut, peut-être plus subjectif par rapport à ça, que la foudre, quand elle frappe, tu vas dire, par rapport à la personne qui est frappée par cette foudre, oui, c'est un mal. Hein? Si la foudre frappe ta maison ou frappe ta voiture ou frappe ta quelque chose en tout cas qui t'affecte et qui te fait un tort, tu vas dire ça c'est un mal. Hein? Tu vas pas dire c'est neutre, c'est ni bien ni mal, puisque ça te cause un tort. Donc c'est un mal pour toi. D'accord? Et la même chose aussi pour n'importe quel autre mal qui peut être fait par une créature que Allah a créée. Et c'est pour ça que tu cherches refuge en Allah Azza wa Jal contre le mal de ces créatures-là. Peu importe la créature dont il s'agit. Et il dit « Min sharri ma khalaq » Eh bien, le « ma » ici, il dit que il dit « Ha huna mawsoula laysa illa » voulant dire que le « ma » son rôle dans ce verset min sharri ma khalaq, eh bien le ma, il dit c'est un ma qui joue le rôle d'un pronom relatif, un pronom relatif, et ça n'a pas d'autre sens que ça, hein, c'est-à-dire du mal, hein, yani lequel Allah a créé, yani le mal que Allah a créé dans une créature quelconque dans laquelle il y a un mal. Hein? Et il dit que la signification, donc, c'est le mal de toute créature dans laquelle il y a un mal quelconque. Et non pas la signification, ça ne veut pas dire le mal de tout ce que Allah a créé. D'accord? Ça ne veut pas dire le mal de tout ce que Allah a créé, mais plutôt ça signifie je cherche refuge en Allah contre le mal de toute créature, contre le mal de toute créature dans laquelle il y a un mal, et non pas contre le mal de tout ce que Allah a créé. Donc il y a une différence entre les deux. Il dit par exemple, le paradis, il n'y a pas de mal dedans, il n'y a que du bien. Par exemple, les prophètes, il n'y a pas de mal dans les prophètes, il n'y a que du bien. Ainsi que les anges, il n'y a pas de mal dans les anges. Les anges, il n'y a que du bien dans les anges. D'accord? Il n'y a aucun mal dans ces créatures-là. Et il dit, le mal se dit de deux choses. La première chose, on appelle mal ce qui est douloureux, ou ce qui donne de la douleur, ou bien tout ce qui amène à la douleur, tout ce qui, disons, découle, ou plutôt revient à la douleur à la fin, ou procure de la douleur. Donc, à propos de tout ce qu'on vient de lire maintenant, à propos de l'explication de ce verset-là dans Sourate Al-Falaq, le cheikh, il a cité, cheikh Al-Fawzan, pardon, il a donné plusieurs commentaires, donc on va les lire, et ça c'est la fin du chapitre 12, donc on va terminer le chapitre avec ces explications-là. Après, peut-être on commencera le chapitre 13, Inch'Allah. Donc ici, le cheikh Al-Fawzan, il explique premièrement l'explication de cheikh Ibn Al-Qayyim. Qu'est-ce qu'il dit, l'imam Ibn Al-Qayyim ? « Min sharri ma khalaq ma huna amma, ammatun fi kulli makhlouqin fihi shar min al-jin wal-ins wal-riyah wal-dawab wal-hasharat wal-hayyat wa ghayri thalik. » Donc il dit, quand tu cherches refuge dans le verset, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ, eh bien ça implique que tu cherches refuge en Allah, le Seigneur de l'aube naissance, le Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé. Le mal de tout ce qu'il a créé. C'est ça. Contre le mal, mais en fait, quand on dit le mal de tout ce qu'il a créé, ça veut pas dire ça veut pas dire que tout ce qu'il a créé a un mal, mais plutôt contre tout mal qui pourrait être dans ce qu'il a créé. Si, donc c'est ça. Contre le mal de toute créature dans laquelle il y a un mal. C'est ça que ça veut dire. Et dans la traduction, comment ils l'ont traduit? Ils disent contre le mal des êtres qu'il a créés. Donc, il faut comprendre que le mal des êtres qu'il a créés, ça ne veut pas dire que toutes les créatures qu'il a créées ont un mal, mais plutôt, tu cherches refuge en Allah contre le mal qui serait dans toute créature dans laquelle il y a un mal. D'accord? Et peu importe la créature en question, comme on l'a dit, donc ça peut être n'importe laquelle. C'est pour ça qu'on dit dans toutes les créatures, en voulant dire n'importe quelle créature. Que ce soit, par exemple, un djinn ou un être humain, ça peut être aussi quelque chose qui est invisible, comme les djinns, on ne les voit pas. Le vent, c'est quelque chose qu'on ressent, mais qu'on ne voit pas. Les animaux, ça peut être aussi des insectes, ça peut être le mal des serpents, ça peut être même des bactéries ou des virus ou des choses qu'on voit même pas. Donc tout ça, ça fait partie du mal de ces qui existe dans ces créatures-là. Donc on cherche refuge en Allah contre leur mal. Et le verset, plutôt le point suivant, quand il explique la signification de « min sharri ma khalaq », ça veut dire min sharri alladhi khalaq, parce que le ma il est pas mastariya, il est mawsoula. Et ça c'est des termes grammaticaux en arabe. Donc on dit ma mastariya, ma mawsoula. Donc le ma il peut avoir plusieurs rôles dans une phrase, et ici le rôle c'est qu'il est un pronom relatif. Donc il remplace alladhi. Alladhi, c'est-à-dire celui ou celle ou ceux, ou lequel ou laquelle. Donc ici, contre min sharri ma khalaq, c'est-à-dire contre le mal, yani le mal lequel il a créé, c'est-à-dire, ou plutôt contre min sharri yani alladhi khalaq, contre le mal qui est dans une créature, hein, que Allah Azza wa Jal a créé, une yani qui a un mal qui, ou qui possède ou qui contient un mal. Il dit ensuite à propos du point suivant, إنه ليس كل ما خلق الله فيه شر فليس المراد به العموم المطلق لأن الله خلق الملائكة وخلق الأنبياء والرسل وخلق الصالحين والمؤمنين وهؤلاء ليس فيهم شر. Donc ici il explique que quand ici on dit que comme le cheikh il explique, il dit ليس المراد به العموم الإطلاقي ولكن المراد التقييد الوصفي. Donc ici qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'on cherche refuge en Allah contre le mal qui est en ce qu'il a créé? Eh bien, on ne veut pas dire que tout ce que Allah a créé est mal, comme j'expliquais tout à l'heure. Plutôt, qu'est-ce qu'on signifie par ça? C'est plutôt de dire que on cherche refuge contre tout mal qui serait dans une des créatures ou certaines des créatures que Allah a créées. C'est ça que ça signifie. Et la preuve, le cheikh, il explique que Allah Azza wa Jal, par exemple, il a créé certaines créatures dans lesquelles il n'y a pas de mal. Hein? Comme par exemple les anges, les prophètes, les messagers, les pieux et les croyants, hein? Le paradis. Il n'y a pas de mal dans ces créatures-là. Et cheikh, Cheikh Ahmad al-Najmi, dans son charh de Kitab al-Tawhid, il explique justement à un moment donné qu'il y a différentes sortes de créatures. Il y a des créatures dans lesquelles il n'y a que du mal, comme par exemple les shayatines, hein? Et il y a des créatures dans lesquelles il n'y a que du bien, hein? Comme les prophètes, les anges, hein? Et il y a des créatures dans lesquelles il peut y avoir du bien et du mal, comme par exemple les djinns et les êtres humains. D'accord? Donc, ça, c'est des exemples. Et il y a beaucoup d'autres exemples de créatures dans lesquelles il peut y avoir du bien ou du mal. Et donc, c'est pour dire que ce n'est pas toutes les créatures qui sont mauvaises. Et en même temps, on cherche refuge en Allah Azza wa Jal contre le mal qui peut être dans certaines des créatures, hein, de ces créatures. Et le dernier commentaire ou l'avant-dernier dit وَأَمَّا الْمَخْلُوقَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَرٌ فَأَنْتَ لَا تَسْتَعِذْ مِنْهُ. Donc la créature dans laquelle il n'y a pas de mal, tu ne demandes pas protection ou refuge, hein, d'Allah contre cette créature-là, puisqu'il n'y a pas de mal dans cette créature. Donc tu n'as pas besoin de demander la protection ou le refuge d'Allah contre cette créature-là. Et le dernier commentaire, il dit Al-Jannah makhlouqatun laysa fiha shar wal malaikatu wal rusul alayhim as-salatu was-salam wa ibadullah as-salihun kulluhum khair wa laysa fihim shar Donc le paradis s'est créé mais il n'y a pas de mal dedans, de même que les anges et les messagers alayhim as-salatu was-salam, de même que les serviteurs pieux et vertueux, hein, ils sont bons et ils n'ont pas de mal en eux. Pas de mal dans ces créatures-là. Ok, ça c'est ce qui conclut le chapitre en question. Et maintenant on passe à un autre chapitre. Et en fait, il ne reste plus beaucoup de temps. Et 13. Donc en réalité, le chapitre qu'on fait maintenant, c'est 13. C'est pas 14. Parce que dans la table des matières, ils ont écrit que le chapitre actuel, c'est 12. Et après, ils ont mis... Donc, le chapitre d'avant, c'était « Minashirk al-Nadru li-Ghayrillah ». Donc, le Nadr, on a fait. C'était le chapitre 12. Et le chapitre 13, c'est le chapitre qu'on est en train de faire maintenant. Mais ils se sont trompés. Ils ont écrit 12 encore, alors que c'est 13. Et le suivant, celui qu'on va commencer maintenant, Babun min ash-shirk an yastaghitha bi ghayrillah أو يدعو غيره. Ici, ils l'ont numéroté 14. Donc, en fait, c'est exactement ça, c'est le chapitre 14. Ok. Donc, on va lire les versets et les hadiths du chapitre, dans le Kitab al-Tawhid seulement. Après, on va s'arrêter, Inch'Allah. Donc, ici, بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ أَن يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ. Donc, il dit que le fait de chercher, d'appeler au secours autre que Allah, ou d'invoquer autre que Allah, ça fait partie du shirk. Ça fait partie du shirk. Donc, il a cité à ce sujet-là quelques versets. Donc, les premiers versets, c'est les versets 106 à 106. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. 106 et 107. Dans Sourate Yunus. Ensuite, le verset 17, pardon, dans Sourate Al-Ankabut. Ensuite, le verset 6 dans Sourate Al-Ahqaf. Ensuite, le verset 26 dans Sourate Al-Naml. Et il a fini par un hadith. Donc, quatre preuves il a mentionnées dans le Coran, plus un hadith. Donc les premiers versets, il dit: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Donc ça, c'est les premiers versets dans Sourate Yunus, le verset 106 et 107. Donc on va lire la signification de ces deux versets. Allah Azza wa Jal, il dit ce qu'il signifie. Et n'invoquez pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter, ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Et il gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Donc ça, c'est le premier verset, les deux premiers versets dans Sourate Yunus. Le deuxième... C'est la deuxième preuve, c'est le verset 17 dans Sourate Al-Ankabut, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, il dit: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إليه ترجعون. Donc c'est dans Al-Ankabut, le verset 17. Il dit: c'est ça. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez-lui reconnaissant, et c'est à lui que vous serez ramené. D'accord? Donc c'est à Allah qu'on doit demander. Et la troisième preuve qu'il a mentionnée, c'est le verset 6 dans Sourate Al-Ahqaf. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Donc Allah Azza wa Jal, il dit ici ce qui signifie: et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah ce qui ne peut pas l'exaucer ou lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, et qui seront, et qui sont vis-à-vis de leur invocation insouciants, qui sont insouciants vis-à-vis de leurs invocations, et lorsqu'ils seront ressuscités ou rassemblés au jour de la résurrection, ils seront ennemis, ils seront leurs ennemis, et ils renieront leur adoration. Donc les êtres qu'ils ont adorés en dehors d'Allah seront leurs ennemis. Et yani, quand ils les invoquent pour rien, puisqu'ils sont insouciants de leurs invocations et ils ne peuvent pas non plus leur répondre ou les exaucer. Et le verset suivant, c'est le verset 62 dans Surat An-Naml. Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie. Allah Azza wa Jal, il dit أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Donc dans Surat An-Naml, le verset 62, Allah Azza wa Jal, wa alaykum salam wa rahmatullah, on a dit 62. Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé, la personne en détresse lorsqu'il l'invoque, et qui enlève le mal, hein, et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous rappeliez. Hein? Donc ça, c'est les versets que Muhammad ibn Abdul Wahhab, le Sheikh l'imam, a cité. Et ensuite, il a cité un hadith. Et ce hadith est rapporté par At-Tabarani. Et les ulama ont dit par rapport à ce hadith-là qu'il n'est pas authentique. Hein? Entre autres, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'autres ulama aussi. Mais ici, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il l'a cité comme exemple. Il dit أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. Donc la signification du hadith, elle est vraie malgré que le hadith n'est pas sahih, mais وعليكم السلام ورحمة الله. Ça signifie que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un hypocrite qui faisait du tort aux croyants, et certains d'entre eux ont dit levons-nous pour demander ou bien pour appeler au secours le messager d'Allah contre cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne cherche pas le secours, on ne m'appelle pas moi, hein, au secours, mais plutôt on appelle au secours Allah. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans ce chapitre comme référence, comme preuve. Et au prochain cours, inshallah, on va lire les explications des ulama au sujet de ces versets et de ces hadiths, inshallah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc...